Donc, bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi matin, nous entreprenons notre dernière semaine sur l'Apocalypse. Et ça va être une semaine je peux appeler ça de délices, une semaine où est-ce que finalement tout va aboutir par Dieu et par la grâce de Dieu. Et pour Dieu, car toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie en lisant ces deux derniers chapitres, 21-22, de voir que finalement, tu vas recevoir l'honneur, la louange, l'adoration qui t'est due de toute éternité. Finalement, les anges et les hommes vont t'adorer parfaitement. Et tu seras glorifié. Guide-nous à travers ces deux chapitres. Non pas regarder qu'est-ce qui nous attend dans le ciel, mais qu'est-ce qui t'attend toi lorsque nous serons dans le ciel avec toi. Bénis ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. Les deux derniers chapitres ont le même but que les 20 premiers, produire la persévérance chez les saints, dans l'Église, et produire la repentance dans l'Église pour ceux qui sont là que de nom. Et aussi d'emmener le monde entier à adorer le seul vrai Dieu. Donc, nous avons vu, depuis le chapitre 8, la colère qui augmentait. On l'a vu s'accomplir totalement. On a vu la destruction du monde tel qu'il existait. Ensuite, on a vu la mise en enfer, premièrement, des deux bêtes. Ensuite, ça, Satan, le dragon. Et ensuite, ça, tous les hommes et les femmes qui n'ont pas servi Dieu, qui n'ont pas adoré Dieu, qui ont pris la marque de la bête. Et on a fini avec le grand jugement du trône blanc où chacun a reçu selon ses œuvres. Et là, nous allons entreprendre les deux derniers chapitres qui vont nous amener à découvrir le ciel. Et souvent, j'ai entendu les chrétiens me demander, et j'ai souvent demandé moi-même, pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Encore une fois, malheureusement, on se préoccupe de nous. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel? Au lieu de poser la question, qu'est-ce qui va arriver à Dieu? Qu'est-ce que Dieu va recevoir, lui, dans le ciel, de la part de sa création? Je crois que la question serait plus juste, plus biblique, plus théologiquement correcte si on posait la question comme cela. Donc, nous allons commencer le chapitre 21 en lisant, si vous voulez bien, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra et qui héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, ce que Jésus dit ici à Jean, au verset 5, c'est le, je dirais, le centre de ce texte. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Tout va être nouveau. Tout l'ancien monde va avoir disparu. On avait vu ça au chapitre 20, que Jean avait vu disparaître la terre et les cieux. Et là, tout va être nouveau. La plus grosse absence, ça va être l'absence du péché et de toutes ses conséquences. Vu que tout ce qui était mal, ou tout ce qui était mal, autant le péché que les êtres qui ont commis le péché, sont disparus, sont partis en enfer, maintenant Dieu fait un nouveau monde, et tout ce qui va être là ne sera pas comme dans le monde qui vient de passer et partir. Donc, regardons, quelles sont ces nouvelles choses qu'il va avoir faites? Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, Dieu avait fait disparaître l'ancienne terre, l'ancien ciel, l'ancien univers, parce que par le ciel, on parle d'étoiles, de planètes, on parle de galaxies, tout a disparu. Et Dieu fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Souvent, les gens vont demander, mais pourquoi Dieu avait besoin de faire un nouveau ciel et une nouvelle terre? Tout simplement parce que la Bible nous dit que Dieu a maudit la terre après le péché d'Adam et Ève. On se souvient dans Romains 8 que la terre et les cieux soupiraient. Eux autres aussi appelaient la délivrance du péché. Donc, Dieu va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Où est-ce qu'on va habiter? Pourquoi on a besoin de cela? Parce qu'on avait été créés, nous les êtres humains, pour vivre sur la terre. Et Dieu va nous avoir ressuscité. Donc, on va avoir encore un corps régénéré, nouveau, mais un corps tout de même. Donc, ce qui est temporel, ce qui est physique, ce qui est matériel, a besoin d'un monde matériel pour vivre. Dieu va se dire, on va en faire un nouveau. La deuxième chose qu'il va faire nouvelle, il dit au verset 2, « Et je vais descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. » Donc, Jérusalem va être nouvelle. L'ancienne Jérusalem va être passée. Va être disparu. Et ça va être une nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on nous parle littéralement d'une ville? Possible. Possible. Ou parle-t-il des personnes dans la nouvelle Jérusalem? Parce que la Jérusalem, je crois pas que Dieu s'est jamais soucié de la terre dans ce sens-là, ou des blocs de béton, ou des roches, ou des murailles comme telles. La Nouvelle Jérusalem est souvent symbole du peuple de Dieu. On va voir demain la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem était souvent l'équivalent du peuple de Dieu. Parce que c'est là qu'était son temple, c'est là qu'était l'Arche de l'Alliance, sa présence. Et le peuple de Dieu vivait là. Donc, Jérusalem va être nouvelle. Qu'on le prenne pour une ville nouvelle ou pour un peuple nouveau, un peuple qui va être transformé, parce que le peuple, il ne sera plus esclave ou assujetti au péché. ayant reçu un corps nouveau, nous allons être de nouvelles créatures, de nouvelles Jérusalem. Ou, si on prend ça pour la ville ne sera plus entachée de péché, ça va être une nouvelle ville, où est-ce que les hommes et les femmes nouveaux et nouvelles vont pouvoir venir adorer leur Dieu, parce que c'est là qu'était la ville de Dieu, le temple de Dieu, l'arche de l'Alliance. Donc, tout ça va être nouveau. Ensuite, au verset 3, il dit, qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau? C'est que Dieu va être là avec eux. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance était le signe de la présence de Dieu parmi le peuple. Premièrement, dans la tente d'assignation, et ensuite ça, dans le tabernacle, ou dans le temple de Dieu, dans le Saint des Saints. Ensuite, ça, Dieu est venu parmi nous en Jésus-Christ, sur la terre. Ensuite, il est venu en nous, par son esprit. Et là, toute chose va être de fait nouvelle, parce que maintenant, Dieu va habiter avec les hommes. Il va être là parmi nous. Et nous, on va être dans cette nouvelle Jérusalem-là. Et on va être dans ce nouveau temple-là. On n'aurait plus besoin de l'Arche de l'Alliance. On n'aurait plus besoin du Saint des Saints qui nous séparait de Dieu anciennement. Mais maintenant, ça va être Dieu, là, visible aux nouvelles créatures qu'on va être. Il va habiter avec nous. Il n'y aura plus rien entre lui et nous. Il n'y aura plus de voile entre lui et nous. Il n'y aura plus de mur. Nous allons être avec lui. Et nous allons être son peuple dans ce nouveau Jérusalem, dans ce nouveau monde qu'il va avoir créé. Quatrième chose nouvelle, il dit qu'ils vont essuyer toute larme de leurs yeux, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Les premières choses ont disparu. Dans le monde, partir d'Adam, appelé la chute, jusqu'à la fin des temps, le monde est rempli de douleur, de mort, de cris, de deuil. Tout ça sont les effets du péché. Le péché ayant disparu, toutes ces choses-là sont disparues avec. Et ces choses-là étant absentes, c'est la preuve que le péché n'est plus là. C'est la preuve que le péché a été vaincu. C'est la preuve que la mort a été vaincue. C'est la preuve que il n'y a plus aucune conséquence du péché qui reste apparente, qui sont là dans le monde nouveau ciel, nouvelle terre. Parce que toutes ces choses-là étaient le résultat du péché. Donc, c'est les choses nouvelles. C'est ce qui crie au verset 5. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu qui crie, « J'ai fait toutes choses nouvelles. » Toutes choses nouvelles. Ils disent, toutes ces paroles sont véritables, sont certaines, ça va arriver, sont vraies. Un monde nouveau. Une relation parfaite avec Dieu. Il n'y aura plus rien qui va nous cacher la présence de Dieu. Il n'y aura plus rien qui va diminuer sa gloire. Et nous allons le contempler parfaitement. Paul il disait qu'on voyait Dieu comme à travers un miroir, ou qui est encore voilé par un sang, par un voile taché de sang. Maintenant, il n'y aurait plus aucun obstacle entre nous et lui. Et nous allons le contempler face à face parfaitement. Donc, nous allons le louer parfaitement. Nous allons le servir parfaitement. Nous allons l'adorer parfaitement. Nous allons chanter ses louanges parfaitement. Parce que c'est le péché qui rendait toutes ces choses imparfaites. Maintenant, le péché n'est plus. Verset 6, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Dieu est l'origine de toute chose et la consommation de toute chose. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est moi qui ai fait, qui avait commencé les premiers cieux et la première terre. C'est moi qui ai amené la fin de ces choses-là. Et c'est moi qui ai commencé les nouvelles choses. Le nouveau monde dans lequel Dieu va habiter avec son peuple. À celui qui a soif, je donnerai la source de la vie gratuitement. Donc, on va vivre éternellement avec lui. C'est lui qui va être la source de notre vie pendant toute l'éternité. Nous allons encore dépendre de lui. C'est lui qui va encore nous abreuver de cette eau éternelle-là, de cette eau de vie éternelle-là. Qui va jouir de tout cela? Au verset 7, ceux qui vont vaincre vont hériter de ces choses. Je serai leur Dieu et il sera mon fils. Donc, qui va hériter de toutes ces choses nouvelles-là? C'est ceux qui vont vaincre. On a vu dans les sept églises, hein, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ceux qui vont vaincre, c'est ceux qui vont garder la vérité. C'est ceux qui persévèrent dans l'amour de Jésus, qui persévèrent jusqu'à la mort, s'il le faut, qui gardent l'évangile tel que transmis par les apôtres, qui achètent de lui de leur pu, qui ont acheté de lui un collier pour laver leurs yeux, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui vont rejeter la marque de la bête. Ceux-là qui vont vaincre le diable, le dragon, la première bête, la deuxième bête, le faux prophète, qui vont vaincre le monde en Jésus et par Jésus, c'est eux autres qui vont hériter de ce nouveau monde que Dieu va créer. Nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, nouvelle façon de vivre, nouvelle joie, nouveau bonheur. Nouvelle adoration, nouvelle louange. C'est ceux-là qui vont recevoir ce ciel et cette terre et cette présence de Dieu. Au verset 8, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, eux autres, ça va être l'enfer, la seconde mort, le feu, le souffle. C'est une douleur amplifiée, c'est des cris amplifiés, c'est la mort amplifiée, c'est le deuil amplifié, c'est la non-présence de Dieu pour l'éternité. Ceux qui ont souffert au nom de Jésus vont vivre heureux pour toujours. Ceux qui n'ont pas voulu souffrir pour Jésus vont souffrir éternellement loin de la face de Dieu et de Jésus. Quelle belle image pour nous aider à persévérer, n'est-ce pas? Quelle belle... Dieu nous met ça, il met ça tellement merveilleux et beau que ça nous dit il vaut la peine d'accepter la souffrance et la mort pour être avec lui éternellement. Si tu t'es pas encore repenti, fais-le. Si tu fais partie de ces lâches, de ces incrédules, de ces abominables, de ces meurtriers, de ces débauchés, de ces idolâtres, de ces menteurs, menteurs, ça veut dire qu'ils aiment le mensonge au lieu de la vérité. Repens-toi. Tourne-toi vers Dieu pour l'adorer et le servir. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous avoir donné un aperçu de ce qui va être les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Comment est-ce que nous allons être avec toi et nous allons t'aimer et te servir pour toujours. Gloire soit à toi au siècle des siècles. Amen.